Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, comédien, le plus beau métier du monde. Une série de Julien Thèves réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a le Festival de Cannes, encore et toujours, et aussi les questions qui sont remontées à la surface avec l'affaire Weinstein. Et cette envie de dénouer les pelotes du désir, de l'envie d'être désiré, de l'envie d'être dirigé, de celle de se donner à un rôle, d'être une marionnette ou alors un corps pensant. Il y a aussi l'envie de questionner le pouvoir des producteurs sur les acteurs, plus souvent les actrices, et celui souhaité et craint du démiurge qu'est le metteur en scène à qui l'on doit plaire. Et aussi cette certitude qu'il y a aussi ce qui ne joue pas. Alors pour commencer, les personnages. Un acteur en miettes, un autre qui cherche le calme, Godard, le pape du cinéma, des agents débordés, des assistants serviables et patients, des collectifs, une comédienne philosophe, une comédienne quinquagénaire, une actrice devenue psy, un metteur en scène vampire, une comédienne abusée, un coach acteur, une comédienne en pilote automatique et même un chat. Ensuite, le décor. Un succès tardif, le cri du lapin, une échelle pas fixée, des lettres, des petits boulots, 507 heures, la solitude, la grossesse, des essais, des rires, des différences d'âge, une association, des commissions, 6% de rôle pour les femmes de plus de 50 ans, la dépendance, le désir, l'abus, un monde cruel, un tracteur, des claquettes et des gifles. Aujourd'hui, dernier épisode, le danger est partout. Et puis peut-être juste vous présenter et puis... Dire comment je m'appelle ? Qui vous êtes et ce que vous êtes. On fait ça avec chacun. Ce que je suis... Ah oui, Anne Alvaro, comédienne. Je m'appelle Anne Alvaro, je suis comédienne. C'est ça que vous voulez. Ah, quand je suis dans les castings. Judith. J'aime. Alors, je m'appelle Anne-Élodie Sormi. Je suis Zita Enro. Je m'appelle Agathe Bonitza. Actrice. Je suis Kate Moran. Christophe Lemaître. Je m'appelle Emmanuel. C'est très prétentieuse. Margaret Zini. Jean-Pierre Galfond. Je prends n'importe quoi pour être sur un plateau. Je m'appelle Benjamin Voisin. J'ai 21 ans. J'ai 25 ans. Je m'appelle Maxime Goncalves. Je m'appelle Marlon Hittier. Je suis Elisabeth Bourgine, Elisabeth avec un Z. Ah oui, je m'appelle Chloé. Élève en deuxième année au conservatoire. Est-ce que tu peux replonger peut-être dans tes souvenirs et d'abord... Michel, est-ce que tu te souviens de... Comment est venue ta vocation d'acteur? Je m'appelle Éric Savin, j'ai 53 ans. Un comédien doit-il être une page blanche? Alors, je suis Margot Abascal, je suis née en Bretagne. Je suis François Négret. Je suis Laurent Stocker. Je m'appelle Jean-Christophe Bouvet à la Comédie Française. Je m'appelle Oulaya Mamou. Je suis 511e sociétaire. Donc, je suis Yumin Hei. Je m'appelle Nicolas Maury. De Savolkin, donc je suis comédienne. Et je suis acteur. Et je suis Magazanima Boutelost. Je suis Nina Meurice. Pascal Sabot. Je m'appelle Philippe Aubert. Je suis comédienne. Je suis être humain. J'ai jamais ressenti le danger avant cet accident. En fait, jamais. Je me suis jamais senti en danger dans un théâtre ou dans quelques mises en scène que j'ai pu. Enfin, j'en ai fait beaucoup. Enfin, j'ai joué dans beaucoup de spectacles. J'ai jamais eu cette notion de danger. On se sent en sécurité dans un théâtre. C'est un cadre, c'est réglementé. Enfin, il y a. C'était dans le cadre d'une lecture en fait à Valence dans un festival. Le metteur en scène m'a demandé de finir cette lecture sur un toit. Et ce toit, pour y accéder, il fallait monter par deux échelles. Et il se trouve que les échelles n'étaient pas attachées. La deuxième échelle que je devais emprunter était posée à côté de ce qu'on appelle un sky dome. C'est une plateforme en plexiglas. Et en redescendant de mon toit, le soir de la deuxième représentation, j'ai mis le pied sur cette plateforme et le deuxième juste après. Et je suis passé à travers la plateforme et je me suis retrouvé 5 mètres plus bas, explosé quoi, mais vraiment, parce que j'ai atterri sur une table en acier, j'ai eu 5 vertèbres cassées, j'ai eu 5 côtes cassées, j'ai eu le poumon perforé et j'ai eu l'omoplate explosée. Et bon, voilà, après j'ai été immobilisé pendant 4 mois, j'ai eu un corset et puis j'ai dû après, bon, il y a eu une histoire de plainte, il y a un procès, tout ça est très compliqué et très bouleversant. Mais bon, on y va et il faut le faire, quoi, parce que y a une faute grave. Ouais, ça a été assez bouleversant, mais bon, on continue. te manque de ne plus jouer ? Alors je pensais, puis pas du tout. Pas du tout. Je pensais que ça allait me manquer. Je pensais que c'est une chose qui... fallait voir, à un moment, c'était un tel ADN, c'était... on peut pas faire autrement. Il y avait... Et puis c'était ma langue. C'était ma manière d'exister, d'exprimer, d'apparaître aux autres, mon métier. Le métier est à un autre endroit aujourd'hui. Et je l'utilise, hein. Enfin, je veux dire, avec les coachés, en formation, on filme des gens, des codes le non-verbal, on fait raconter des choses. Bien sûr que comprendre le monde, ça a été un outil incroyable pour comprendre ce monde et me comprendre, bien évidemment. Mais il a été transformé, il n'a plus sa vocation première. Voilà, dans Corneille, là, je ne suis plus charmé. On peut dire ça, ça ne me fait pas rêver. Margaret, on est chez toi à Paris, rue du Chemin Vert. Il y a beaucoup d'acteurs dans le quartier ? En fait, avant, j'étais dans le 3e et j'en croisais tout le temps. C'était même angoissant, en fait, j'avais l'impression que... Mais finalement, non, j'en ai pas... je croisais Adèle Exarchopoulos, Laila Bekti, Tahereim, enfin voilà. Et puis je croisais beaucoup de réalisateurs aussi dans le 3e. Assayas, Edouard Baird, tout ça. Enfin, avant, bah, peut-être maintenant j'ai changé, mais avant, quand j'étais vraiment une jeune comédienne, je le faisais beaucoup, aller parler. Enfin, j'étais tellement enthousiaste, pleine d'énergie, d'envie de faire ce métier, que j'ai toujours ce désir énorme permanent, mais... Je dosais pas mon énergie, quoi. Du coup, j'allais beaucoup parler aux gens dont j'aimais le travail, clairement. Après. Tu l'avais fait avec Sophie Filière, tu m'as dit, notamment. Ouais, j'avais été carrément dans le bureau de prod, et Pierre Gris Productions, je crois que c'était ça, qui était carrément dans le 3e, rue Charlot. Et j'étais rentrée carrément dans la prod. Enfin, je ferais plus du tout ça aujourd'hui, hein. Et elle était en plein casting et tout, et j'ai été lui parler. Je crois que ça l'a plutôt amusée. Oui, ils m'ont jamais fait passer de casting, mais voilà. Une autre fois, j'avais fait ça chez Why Not aussi. En plus, j'avais même pas vu, mais il y avait Desplechin à côté de moi qui préparait son film. J'avais parlé à tout le monde dans le bureau, sauf à Desplechin qui, en fait, se cachait, était comme ça. Enfin, t'étais allé chez Why Not Production pour rencontrer un réalisateur en particulier ou pour rencontrer la production ou l'univers ? Non, mais parce que justement, je savais que Desplechin préparait un film. Et du coup, j'avais vu... Je sais que je connaissais son directeur de casting... Et j'avais été lui parler dans le bureau en disant « Ouais, vraiment, j'aimerais beaucoup vous caster des acteurs de théâtre, je viens du théâtre, vraiment. » Et puis, en fait, peut-être qu'à l'époque, je me rendais pas compte de comment ça fonctionnait vraiment, en fait. Peur, silence. Quand on arrive, on sait pas faire. Partez. On ne sait pas à qui s'adresser, les auditions de théâtre ne sont pas connues, les castings, comment faire ? Parce que quand on n'a pas d'agent, et c'est compliqué d'avoir un agent quand on est jeune comédienne et comédien parce qu'ils demandent vos preuves, et même s'ils vous ont vu en cours. Alors, évidemment, attention, quand on n'a pas d'agent, avoir accès au casting, c'est très compliqué. Parce qu'on n'a pas l'information que le casting se passe ou parce qu'on n'a pas le droit de se pointer ? Ah ben, on n'a pas le droit de se pointer si le casting ne vous a pas contacté, et le casting, la plupart du temps, vous contacte via votre agent. Non seulement on n'a pas l'info au casting, mais alors maintenant ce que font les castings qui ont des difficultés dans leur métier, c'est qu'ils mettent en place des stages payants de casting. C'est-à-dire qu'ils appâtent les jeunes et moins jeunes comédiens en leur disant, ben voilà, stage pour une quinzaine, vingtaine de comédiens, vous sortirez de là en sachant passer un casting devant la caméra, et vous aurez une petite cassette qui pourra vous servir de démo. Et c'est aussi scandaleux que ces castings appâtent les gens en disant, ben moi je travaille sur tel et tel film, etc. Et peut-être qu'ils ne le disent pas, mais c'est sous-entendu, je vous aurai repéré, et je vais peut-être vous faire passer le casting pour telle ou telle série ou film, etc. J'ai écrit à Godard, et je l'ai rencontré comme ça. C'est leur seul moyen de rencontrer les castings. C'était magnifique. Et le téléphone a sonné à 9h du matin. Moi, je dormais encore. Et c'est mon compagnon qui est tombé sur lui, et c'était Godard. Allô, bonjour, c'est Jean-Luc Godard. Est-ce que je pourrais parler à Margaret Zenou? Alors lui, il a complètement halluciné. Il a dit, mais elle n'est pas disponible pour l'instant. Il avait peur de me réveiller, en fait, et que je sois dans le pâté pour répondre à Godard. Donc, en fait, il a dit, est-ce que vous pouvez rappeler plus tard? Et Godard a dit, oui, très bien, je rappellerai à 10h. Il a rappelé à 10h précise. Mais, et du coup, mon compagnon, il a sauté sur le lit, m'a réveillé en me disant, Jean-Luc Godard a appelé, réveille-toi. Et moi, j'étais là, mais tu te moques de moi, arrête, c'est pas drôle. Voilà, il a rappelé. Il m'a dit, mais votre lettre est magnifique. En fait, je lui avais écrit un poème. Suite à ces films qui étaient un peu des poèmes aussi, enfin, et je lui avais écrit une sorte de poème. J'ai grandi avec vos films, donc vous faites partie de mon présent. Et du coup, il me dit, mais il faut, et ça tombe très bien, je suis en plein casting en ce moment. Alors là, j'étais comme ça. Il faut envoyer photos, CV. Pourquoi vous n'avez pas envoyé de photos? Et je crois qu'une semaine ou 10 jours après, son assistant m'a appelé en disant, Jean-Luc Godard veut vous rencontrer. Ils se battent, ils envoient des photos, ils font des démos. Des bandes démos qu'ensuite on retrouve sur Internet. On avait pensé au Vietnam, mais Paul connaît déjà. Alors finalement, on va partir sur la côte ouest, remonter de San Francisco à Seattle en voiture, en s'arrêtant quand on le sent. Ouais, l'aventure, c'est bien. Tu débouches le vin, mon amour. Et toi, tes vacances? J'ai pas vraiment pensé. Peut-être que ça va s'arranger. S'il te plaît, Maya. Vous voulez du crumble? Aïe. Fatigante. T'es fatigante. T'es vraiment fatigante. T'es épuisante. Il y en a épuisante. Bah, va te reposer. Cécile Laurent. Donc ils se battent pour trouver un agent. Comment on trouve un agent? On les appelle, on leur envoie notre CV, on vous demande à les rencontrer, on envoie notre bande démo. Les agents vous disent que leur agence est pleine, et puis de temps en temps, il y en a un qui est intéressé subitement. Donc on les invite au théâtre tout le temps. Je suis allée au cinéma. Je pense que les petits comme les moyens, comme les grands, voilà, ils écrivent partout. C'est tout. Je crois. Vous n'êtes pas allé chez Madame Gravin? Ah oui, c'est bon. Ah, c'est allé. Dimanche. Information, not your name. A drink to 250 or 200. Et donc, là, c'était incroyable. J'ai rencontré Godard. Je me souviens, c'était un 12 mars. Et à 10h du matin, il faisait super beau. Et voilà, c'était à Paris, dans le 16e. Et on s'est rencontrés, c'était magnifique. Et il m'a caressé la joue quand même. C'était magnifique. Après la rencontre, il m'a caressé la joue et il m'a dit, tout va très bien se passer, mademoiselle, pour vous. Et j'étais paternelle, presque une bénédiction aussi du pape. Je sais pas, moi je l'ai pris comme ça. Enfin, et puis 10 jours après, son assistant m'a rappelé et en me disant, Jean-Luc Godard veut vous revoir. Alors là, j'étais sciée, quoi. Enfin, parce qu'en fait, il m'avait expliqué lors du premier rendez-vous que il avait un problème. Il faisait un film sur l'amour, une trilogie sur l'amour. Il y avait 3 différents âges. Les jeunes, ados, les adultes et les personnes âgées. Et moi, à l'époque, voilà, il pouvait pas me placer dans les ados, mais il pouvait pas me placer vraiment dans les adultes non plus. Il avait 20 ans. Ouais, à peu près, 21 ans. Et du coup, il me dit, voilà, mon problème, c'est ça. C'est que je sais pas où vous mettre. Donc, l'assistant qui me rappelle 10 jours après en disant « Jean-Luc Godard veut vous revoir », là, j'y ai cru vraiment beaucoup, très fort. Donc les jeunes se retrouvent très très seuls. Ils travaillent les Burger King, enfin j'en connais plein, enfin on en a dans les McDo. De toute façon, même avoir les acédiques n'empêche pas de faire plein de boulot à côté. Hein. parce que c'est pas une fois qu'on a les assédics qu'il faut refaire les 507 heures tous les ans. Et c'est difficile de faire 507 heures. Alors, c'est un choix qu'on fait. On fait le choix de l'insécurité, de ne jamais savoir ce qui va nous arriver demain, effectivement. Mais il y a des périodes où on se dit, oh, des périodes où on travaille énormément, effectivement, puis subitement, ça tombe. On dit, oui, non, mais ça va aller. Et ça peut durer des mois, le fait de ne plus travailler. Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est avoir le mental nécessaire pour ne pas plonger dans le désespoir. Je ne parle pas au bout de 8 jours ou d'un mois. Je parle au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, où on a beaucoup nié à toutes les portes et rien ne se fait, où on passe des auditions, où on connaît plein de gens, et on a beau, rien ne se fait, rien ne marche, et on ne sait pas pourquoi, on n'est pas différent de la veille, mais rien ne marche. La première rencontre, il était super, il y avait le soleil qui rentrait dans la pièce, c'était un moment magique. Là, il avait changé son bureau complètement de place, hyper étrange. Il avait mis le bureau presque à l'entrée, donc on était loin de la lumière, et il était vraiment très sombre. Et là, ce jour-là, il était très mauvaise humeur, en me disant, de toute façon, je ne sais pas si je vais faire ce film, je ne trouve pas les financements. Et donc, il m'a demandé de m'asseoir en face de lui, il m'a regardé. Et au bout d'un moment, il m'a dit, vous voyez, je suis comme un peintre et je suis en train de réfléchir à mon tableau. Et voilà, il m'a dit que c'était fini, et, enfin, que l'entretien, le rendez-vous était fini. Et puis voilà, j'ai plus une nouvelle après. Si les jeunes comédiennes et comédiens ne veulent pas faire des stages payants de casting, ils se mettent à créer leur propre spectacle, ils se mettent ensemble, en compagnie. La question du collectif aujourd'hui, elle est assez intéressante parce que pourquoi beaucoup de compagnies se regroupent et se créent et se nomment collectif alors que ça recouvre des pratiques souvent extrêmement différentes entre la pratique d'in vitro, des chiens de Navarre, de l'avantage du doute. Il y a autant de façons de faire du théâtre ensemble au plateau ou avec quelqu'un qui est à l'extérieur et qui dirige ou avec un metteur en scène ou avec une écriture d'impro ou avec... C'est aussi multiple qu'il y a 15 ans entre deux façons de se nommer compagnie. Je vais juste te citer, parce que du coup, c'est écrit noir sur blanc sur votre site. Nous sommes un collectif d'acteurs. Oui. Nous jouons et nous écrivons ensemble. C'est une prise de pouvoir d'acteurs-auteurs qui vivent le processus de création de leurs pièces comme un exercice concrètement démocratique. Toi, en tout cas, Judith, tu es actrice dans la compagnie Le Collectif L'Avantage du Doute. Et tu es aussi réalisatrice. C'est pour essayer justement de mettre des mots sur une pratique du théâtre qui est pour nous aussi une forme d'engagement, parce que qu'est-ce que ça implique d'être une compagnie où il n'y a pas de chef ? C'est aussi une force d'inertie, parce que d'un seul coup, l'ambition, au sens fort du terme, d'une personne, ben voilà, c'est extrêmement moteur, et quand on est 5 à prendre des décisions, forcément on est ralenti. Vous êtes 5 ? Oui. Et quand on parle d'exercice démocratique, c'est que la décision est partagée par tout le monde. Finalement, on réinvente des outils qui sont les mêmes dans toute formation, dans tout groupe humain qui essaie de prendre des décisions et de partager la responsabilité de la décision. Donc en fait, quand on le vit et quand on l'expérimente de l'intérieur, c'est révolutionnaire, mais en fait, ça existe depuis toujours. Donc c'est le tour de parole. Attention, je parle, tu ne peux pas me couper, et quand c'est ton tour, je ne te coupe pas. On n'est pas d'accord, on ne se ressemble pas, parce qu'on n'a pas fait l'école ensemble. Moi, je n'étais pas comédienne quand je les ai rencontrés, j'étais la plus jeune, j'avais 20 ans, je sortais de mes études de philo, et moi, ce que je voulais faire, c'était un collectif, même pas de théâtre, en fait. Moi, je n'ai pas choisi d'être comédienne, moi, j'ai choisi de faire un collectif. C'est complètement différent. J'avais fait mes études de philo, j'aurais pu faire un collectif, pas de n'importe quoi, bien sûr, mais j'aurais pu faire, je sais pas quoi, mais plein de trucs différents, quoi. Donc j'ai cherché plein de trucs différents, j'ai même commencé des études d'archi en me disant voilà, bah, je vais penser des maisons et puis je vais... En fait, je cherchais une manière de réfléchir sur le monde avec des gens et d'incarner ça dans des actions concrètes. C'est pour ça que pour moi le terme il est important et que c'est important d'en faire varier la définition, parce que je trouve ça à la fois beau et symptomatique qu'il soit utilisé aujourd'hui, et il recouvre des réalités complètement différentes, et c'est bien, et c'est bien. Vous, ça vous est arrivé d'avoir des périodes de creux, d'être confronté à cette solitude dont vous parlez, qui vient de l'absence de travail en réalité ? Mais évidemment, j'en ai eu comme tout le monde. Une de mes pires a été au moment où j'étais enceinte. Les premiers mois, je travaillais. Donc, bon, voilà. Et puis, à un moment, j'ai plus pu travailler. Mais il se trouve qu'après, je ne sais pas pourquoi, des gens m'imaginaient encore enceinte 2 ans après. C'est extraordinaire. Hein. Je ne sais pas pourquoi, dans ce métier, on cache maintenant qu'on est enceinte. Moi, à l'époque, je ne savais pas. Mais la plupart des comédiennes cachent qu'elles sont enceintes jusqu'au bout et ne prennent pas leur congé maternité après. Reprennent, si jamais elles ont du boulot, elles reprennent immédiatement après. Ben oui. Et puis surtout, on est en forme, on est souriante, on est déjà toute mince, on la relâche. Et puis on joue jusqu'enceinte, jusque-là, jusqu'à 6 mois, 7 mois, sans problème. En mettant une grande robe vaste, on cache, quoi. Non, mais c'est quand même insensé. Je pense que c'est pour ça que j'ai jamais réussi à faire un deuxième enfant. Tellement ça m'a angoissé la période. C'est comme si on était très malade. Donc les femmes font très attention de ne pas dire ça. Il y a eu des super rencontres, super belles. Brissot, j'ai eu l'info par ma belle-sœur. Et elle m'a dit, écoute, il y a Brissot qui prépare un film. Elle est attachée de presse. Dans le cinéma. Ouais. Elle m'a dit, il y a Brissot qui prépare un film. Et ce soir, il fait une sorte de workshop. Vas-y pour le rencontrer et tout. Et effectivement, j'ai été le voir, j'ai été lui parler. Et donc, c'était marrant, il y avait plein de petites actrices autour. C'était... Mais j'étais pas mal à l'aise. Enfin... Ouais. Parce que c'est un géant, en fait. Il est immense. Et il a une voix de gros nounours, comme ça. Il parle un peu comme ça. Et il me dit, effectivement, mademoiselle, votre présence m'intéresse. Il m'a dit ça, mais ça faisait 2 minutes que j'étais là. Et donc, on s'est rencontrés. Voilà, Brissot, ça a commencé comme ça. J'avais rencontré à une fête un autre cinéaste qui adorait mon rire et qui m'a auditionné du coup pour des rires chez lui. Les essais c'était rire. Et du coup, et il m'a dit je te prends. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus commode de se dire bon bah j'ai pris un coup de vieux, maintenant je vais taper. Un des derniers castings que j'ai reçu, le personnage était nommé comme ça, une cinquantenaire sans sexe et sans âge. Marina Tomé. Voilà, j'aime bien votre tête quand vous entendez ça. Faut y aller après, derrière. Hein. Sans sexe et sans âge. Alors, je sais pas, quand vous me regardez, j'ai pas l'impression d'être sans sexe. Et en plus, j'ai été prise. C'est affreux, hein, c'est pour ça que j'en parle. J'ai été prise, mais j'ai mis du sexe et j'ai mis de l'âge. Ça veut dire quand même que, comme il n'y a pas de représentation de femmes de 50 ans, notre psychisme, il comble ce vide par des images du passé. Et ce qui fait qu'il y a des castings du genre, un truc qu'on avait vu passer, cherche Rosa, 60 ans, la grand-mère gâteau façon la boum. Elle avait quel âge, Denise Gray, quand elle, voilà. Alors, pas exactement 83 ans. Ça veut dire que dans l'imaginaire collectif, on a soit 40-45 ans, soit 80 ans. C'est un miroir totalement déformant de la société. Et les personnages féminins ne vieillissent pas, ils disparaissent. Dans l'imaginaire, nous vivons dans une société où les petites filles, elles grandissent, elles deviennent de jeunes belles femmes séduisantes, craquantes, désirables, puis elles deviennent des mamans. Et après, c'est fini. Jusqu'à ce qu'elles deviennent grand-mères pour s'occuper des petits-enfants. Bonjour Tessa, donc on est chez toi à Paris 18e. Tessa Volkine, bon je te tutoie, en fait on se connaît pas, mais on a commencé à se tutoyer. Voilà. Tessa, tu es comédienne et tu es coprésidente d'une association très importante et assez récente qui s'appelle l'AAFA, Actrice, Acteur de France Associée. En fait, c'était. Il y a eu plein de petites associations de comédiens, mais il n'y a jamais eu une association qui soit sur la France entière. En fait, on est né le 7 septembre 2014 sous l'influence, il faut vraiment le dire, du groupe 25 Images. C'est une association de réalisateurs de télé qui, eux, existent depuis plus de 25 ans. En fait, au moment où il y avait la réélection du président de France TV, ils ont vu tout le monde à France TV. Ils ont vu justement les associations de script, de producteurs, de réalisateurs, etc., etc. Et les seuls qui ne l'ont pas vu, ce sont les comédiens. Et justement, ils ne nous ont pas vus puisqu'on n'existait pas. Vous êtes combien de membres, actrices, acteurs, associés de France? Alors, on est maintenant, en 3 ans et demi d'existence, on est plus de 500 adhérents, enfin comédiens, Comédienne, comédien, de tous horizons. De tous horizons. Donc l'AFA Intermittence et Solidarité, l'AFA Lab, donc c'est les laboratoires, l'AFA Tunnel de la comédienne de 50 ans, voilà, l'AFA Agent et Casting. On a l'AFA Festival et Fiction, donc ils se consacrent à aller dans les festivals pour parler de la place des comédiennes et des comédiens, dans les festivals et dans le dans l'audiovisuel, etc. On a l'AFA Jeune et Après, il ne faut pas que j'en oublie, hein, j'essaie de bien me souvenir, l'AFA Pluralité, c'est-à-dire, parce qu'en fait on dit pluralité parce qu'on parle aussi bien côté origine que côté handicap. C'est-à-dire, et aussi bêtement, qu'est-ce que c'est que faire 2 mètres et être comédien, par exemple, c'est pas si simple. Ou être obèse et être comédienne ou comédien. Et puis il y a être noir, être arabe, être asiatique, et c'est un sacré plafond de verre aussi. En 2015, alors que les chiffres de l'INSEE, depuis 2015 d'ailleurs, indiquent qu'une femme majeure sur 2 a plus de 50 ans aujourd'hui, eh bien, nous on a calculé les personnages féminins de plus de 50 ans dans les films français sortis en 2015, c'est 8% des rôles. Alors que nous sommes un quart, ça devrait être. C'est pas du documentaire non plus la fiction. On est bien d'accord là-dessus. Mais ça devrait être 25%. Qu'est-ce qu'on raconte de nos sociétés si une femme ne peut se réaliser que dans la maternité ou dans la grande maternité? Parce que c'est ça que ça veut dire. Si les rôles s'arrêtent passé 45 ans, ça veut dire qu'ils s'arrêtent au moment de la ménopause. Il faut le dire, il faut le nommer ça. Parce que vous, vous avez été donc directement confronté à cette diminution des propositions de rôles? Mais comme tout le monde, bien sûr. Il n'y a que les stars qui peuvent peut-être en être exemptes. Et je tiens à dire d'ailleurs que dans notre comptage, quand on dit 6%, parce qu'on nous dit souvent « Ah oui, mais Isabelle Huppert, bah oui, mais Karine Viard, ah oui », mais elles font partie de nos 6%. Hein. Et le problème, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et donc justement, comment est-ce qu'on peut faire déjà, par exemple, il y a bien des rôles qui peuvent ne pas être genrés, qui peuvent être joués par un homme ou par une femme. Or, dans les scénarios, ils sont toujours annoncés comme un homme. Soit expressément les mettre en rôle de femme, soit mettre FH si ça ne change pas l'histoire. Pareil pour l'âge. C'est compliqué d'admettre qu'on ne travaille pas. C'est alors qu'on sait que c'est le lot de tous. Alors petit à petit, on a enlevé la langue de bois là-dessus, on commence à ne plus en avoir honte, mais c'est... Ouais, on a honte de ne pas travailler. La langue de bois, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on... De parler des projets à venir. De dire, oh oui, ça va. Oh oui, je dois faire telle chose. Oh oui, oh oui. Et en fait, comme si c'était de notre faute, le fait de ne pas travailler. Parce que ça renvoie à l'absence de désirabilité de l'actrice et de l'acteur, quand même. C'est en ça où c'est presque un stigmate. Mais c'est terrifiant. Ça veut dire que personne n'a envie de nous. The hour is thin. Trafalgar Square is calm. Birds and cold black dark. The final famine of a wicked sun. And the web that died yesterday. I was a hard copy version. I turned my eyes directly to hate. Then the hammer of toil. Tired with what the world has yet brought forth, with the women waving at war, and the news that war is faith. Filled with tremendous cheering, leaping, and nightmares. Vous, Salima Boutbal, vous avez été comédienne, et vous n'êtes plus comédienne. Ah, alors vous êtes toujours comédienne. Si, je suis toujours comédienne. Vous jouez toujours? Je joue toujours. Là, j'ai pas joué depuis un an. Mais j'ai un projet pour l'automne prochain, là, peut-être de Gennevilliers, avec un metteur en scène japonais qui travaille sur la question du traumatisme. J'ai l'impression qu'on n'en finit jamais d'être vraiment comédien, c'est comme écrivain, enfin finalement, on ajoute des activités. Je crois que vous êtes devenu psychologue ou psychanalyste, je ne sais pas. Mm-hmm. Quel lien entretiennent la psychanalyse et le théâtre? Vous commencez à l'aborder un petit peu. Bah justement, c'est quand même la question de l'humain. Et comment aussi on passe d'une position... Enfin, pour moi, Le rapport aussi, surtout avec le fait d'être acteur, c'est aussi comment on passe d'une position d'objet du metteur en scène à une position de sujet créateur, c'est-à-dire que voilà, on s'émancipe de quelque chose et que ce mouvement, on va dire psychique et subjectif, est possible aussi bien par le biais de la psychanalyse que par le biais du théâtre. Il s'agit de pouvoir fonctionner soi-même avec le plus de créativité possible, mais au milieu des autres, évidemment, en interaction avec les autres. On est aussi pris dans, pas forcément des assignations, mais dans des fantasmes ou dans des projections de l'autre sur nous et dont on n'a pas forcément conscience. Aujourd'hui, vous exercez comme psychologue, psychanalyste, vous avez un cabinet à Paris ? Oui, alors j'exerce à Paris et j'exerce aussi dans un SSR, addictologie, c'est-à-dire un service de soins de réhabilitation en addictologie, donc avec des patients alcooliques ou toxicomanes ou addicts au jeu, addicts au sexe, les troubles du comportement alimentaire. Addicts au jeu, mais pas au jeu de comédien. Rarement. Même si on dit que c'est une addiction. D'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas anodin de se retrouver dans ce type d'institution, parce que pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, effectivement, chez l'acteur. Dans un rapport de dépendance qui se soutient aussi d'une dépendance affective, enfin quelque chose du côté de l'affectif, quoi. Il vous appelle, il vous demande de l'aide. Quelle est la demande du comédien, la demande de thérapie et de soutien que formule le comédien ? C'est assez varié, mais je pourrais dire que c'est souvent lié quand même à la question du travail et au fait de solliciter le désir de l'autre, d'être toujours dans cette... dans cette attente du désir de l'autre et la frustration quand ça ne vient pas. Il y a quelque chose qui s'effondre, comme si... Là, j'en ai parlé récemment avec une amie comédienne, où elle s'effondre totalement parce qu'elle a l'impression de ne plus exister ou de ne pas exister si l'autre ne la trouve pas suffisamment intéressante, qu'il y a quelque chose qui soutienne même son existence, parce que c'est vraiment très fragilisant. Et puis, c'est aussi ce qui me surprend toujours, c'est la façon dont ça vient balayer tout ce qui s'est passé avant. Elle ne vaut plus rien. Voilà. Elle n'existe plus, elle ne vaut plus rien. Tout le passé, ça n'a pas existé. On a besoin d'être regardé, d'être aimé, cette question d'être désiré par l'autre, d'être soutenu par le regard des spectateurs, par le regard des autres. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi une interrogation profonde sur qui on est. C'est pas forcément une interrogation consciente, mais à travers justement le fait de changer de personnage, c'est comme si on cherchait en fait qui on est vraiment, ou peut-être aussi solliciter une part fantasmatique qui existe chez beaucoup de comédiens. C'est-à-dire, pour moi, le comédien est un être profondément mélancolique, au sens freudien du terme, c'est-à-dire... quelqu'un qui a des deuils qui n'ont pas été complètement conclus, on va dire. Et dans la vision de Freud, c'est quand même... on incorpore justement l'objet perdu pour rester en lien avec lui. Et comme si c'était un fantôme qui venait hanter le moi. Et il me semble que dans la création des personnages, il y a une façon de venir solliciter ce fantôme qui serait polymorphe, on va dire, et à partir de lui, de créer justement des personnages qui, pour le coup, comme ils sont en lien avec quelque chose de très profond et très inconscient, c'est ce qui vient donner aussi beaucoup de justesse au personnage. Donc, il y a évidemment une dimension très thérapeutique dans le théâtre, pour les comédiens. Stéphanie a rigolé parce qu'elle me disait il est complètement fou ce chat. Alors je lui disais, mais moi je dis que tes enfants ils sont gentils, tu pourrais me rendre l'appareil. Elle a dit non, pas du tout, il est méchant. Magali, tu vis à Montmartre avec ton chat qu'on entend peut-être. Tu es comédienne, mais tu n'es pas seulement comédienne. Tu as une autre activité à côté. Tu travailles dans une entreprise, enfin dans un ministère plus précisément. Est-ce que tu peux nous raconter ton, ton parcours de comédienne? J'ai suivi énormément de cours. Je me sentais jamais assez prête pour redémarrer, en fait. Donc, j'ai fait Chaillot. J'ai commencé par l'école du théâtre de Chaillot. Après, Florent. Après, Blanche Salin et Paul Weaver. Et puis après, voilà, j'ai assisté à metteur en scène de la Comédie Française au cours Florent. Et j'ai fait un spectacle. Et c'était déjà au Nord-Ouest. Et tu peux raconter les conditions matérielles du travail au Nord-Ouest? Alors, le Nord-Ouest, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est très endetté et que donc les recettes sont confisquées et donc les comédiennes ne sont pas payées. Ça fait des années que ça dure comme ça. Et ma foi, moi, ça me va bien. Je suis plutôt contente de ça. Je trouve toujours quelque chose d'un peu suspect dans l'argent, en fait. Donc, je suis assez contente de pouvoir pratiquer mon art, si j'ose dire, sans que l'acte ne soit entaché par des choses un peu suspectes ou un peu... Bon, c'est mon rapport particulier à l'argent. Est-ce que tu gagnes ta vie autrement? C'est possible parce que je gagne ma vie autrement. Du coup, est-ce que tu considères que tu fais du théâtre en amateur? Moi, je ne suis pas embêtée si on me dit que c'est un amateur, amatrice. Mais je le fais avec une exigence professionnelle quand je le fais. Tu as été intermittente du spectacle à un moment donné? Bon, j'ai eu un cachet à Rennes. Voilà, j'ai toujours ma feuille, là, mon numéro. Mais donc, il y a eu un moment, en fait, pendant 2 ans, où t'as été vraiment totalement dans l'univers de la comédienne. Il faut être sur la brèche, il faut passer des castings, il faut rencontrer des voilà. gens. Ce que je fais pas, moi. Ce que je sais pas faire. J'ai l'image de la pub pour la vache qui rit, trop grosse, trop maigre, trop grande, trop ceci, trop cela, trop moche. Donc ça me plaît pas du tout, ça, du tout les castings. Non, ça me plaît pas. Je travaille qu'avec des amis quand je veux et avec qui je veux. Et souvent c'est moi qui mets en scène et c'est très bien. Comme ça je suis bien distribuée. Non. Du coup je le fais pas souvent. Et du coup, je peux pas vraiment vivre, ça marche pas mon économie. L'économie de mon art, ça, c'est pas rentable. Au travail, au ministère de l'écologie, je crois que tu es rédactrice en chef du journal interne. Oui, j'ai appris aujourd'hui qu'il allait être supprimé peut-être. Excusez-moi, ça a l'air d'un sketch comme ça, mais pas du tout. Je sais pas si je veux le dire ça d'ailleurs. Qu'est-ce que tu ressens quand tu joues? Alors, qu'est-ce que je ressens quand je joue? Je vais dire rien, ça le fait pas trop si je dis rien. Non, je ressens pas rien, mais je sais pas comment dire. Au bout d'un moment, 2-3 représentations, je suis en pilotage automatique, quoi. Et franchement, c'est super agréable. C'est-à-dire que j'oublie le texte et ça, il sort tout seul. Et ça, c'est assez jouissif à vivre, je trouve. Comment vos parents vivent-ils le fait que vous soyez comédien? Vous êtes quoi pour eux? Ah, ben un saltimbanque, hein, comme disait la chanson. Moi, mes parents, ils le vivent très mal. C'est-à-dire que comme je n'ai pas fait mon métier principal, ça va, ça passe encore. Mais sinon, ils voient ça comme un métier, pas un métier d'ailleurs. Je sais pas. Moi, j'ai pris des tonnes de gifles pour ça. Pour avoir voulu être comédienne. Quand t'avais quel âge? À l'adolescence, au moment où on fait nos feux. Ma fille, surtout pas. Tu feras ma fille pas est folle. Boum. Une claque. Vous voudriez que vos enfants fassent ce métier? Titou. Qui êtes-vous quand vous ne jouez pas? Monica Bellucci, non, je plaisante. Comment faire pour apparaître tout en gardant sa part de mystère? Toute votre vie? Ah ben oui. Ça, je pense que oui. Je pense que oui, j'ai déjà même des projets pour quand j'aurai 80 ans. Je connais déjà les textes. Vieillir en tant qu'acteur, c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Mais c'est un peu plus facile pour les comédiens que pour les comédiennes. Ça, c'est ma Marina Tomé en amour. Vous parler. Après, je pense que c'est plus facile parce que d'un homme, on dit qu'il mûrit, et d'une femme, qu'elle vieillit, comme toujours, ça c'est le truc habituel. Après, moi, ce que j'aimerais qu'on dise, que je mûris, non, je ne suis pas une banane, je suis une femme, donc je vieillis, oui, je vieillis. Comment vos parents, votre amour, vos amis, vos enfants vivent-ils le fait que vous soyez comédienne? Vous êtes quoi pour eux? Ben, une merveille déjà. Avant tout, un être fantastique. Comment faire pour durer dans ce métier? Se battre. Ne jamais arrêter de se battre et se battre encore et toujours. Est-ce qu'il y a une commission qui traite de la maltraitance dont peuvent être objets les acteurs? En fait, avec l'histoire du harcèlement, on a mis en place une commission qui s'occupe justement du harcèlement. Ben, en fait, c'était plus dans les jobs alimentaires, je dirais. C'est quand j'étais étudiante et que je travaillais dans des prods, que j'étais assistante de prod et que... Et là, c'était plus là, en fait, que je me suis sentie une proie, en fait. Parce qu'il y avait les gros producteurs. Donc, tous les jours au bureau. Ouais, t'es tous les jours au bureau. J'étais assistante de prod à une courte durée. Hein. Ça m'a vite saoulée de répondre au téléphone et de faire les photocopies pour des producteurs abjects, quoi. Qui disait à peine bonjour et vous apportez le café et voilà. Mais voilà, je me souviens de près de la photocopieuse, un des producteurs qui est venu près de moi et qui disait alors comme ça tu es comédienne, tu veux, mais tout, voilà, dans un coin, la photocopieuse était dans un coin vraiment des des bureaux. Tu veux jouer alors, tu veux d'accord, tu veux, on peut dîner un soir ensemble si tu veux. Bien sûr, j'ai refusé hein, mais c'est une audition de théâtre où je suis allée. Alors là, j'étais encore beaucoup plus jeune. J'avais dans les 20 ans, je dirais. Une audition de théâtre où je suis allée. Donc moi, j'étais toute seule avec ce metteur en scène. Et oui, moi, je faisais travailler tout le personnage. Hein, donc on est à fond, on est à fond. Puis on est jeune, on y va à fond. Hein. Ouais, j'avais 22 ans, 23 ans. Et c'est jeune, en fait. Et à un moment... Il me dit, oui, etc. Il faut voir tout ce qu'elle ose faire, etc. Donc... Et donc, à un moment, il me dit, il faut que tu fasses une scène. Il y a un moment où il y aura une scène où elle se masturbera. Je veux voir comment tu le feras, etc. Et on n'ose pas dire non. Et moi, intérieurement, j'étais horrifiée parce que je me disais, comme c'est quelque chose de tellement intime. Et donc, j'ai fait semblant, évidemment. Et à un moment, j'ai réalisé qu'il se masturbait en face de moi. Enfin, en face de moi. Il était derrière le premier rang. Donc, j'ai pas... Et ça... Et donc, je me suis arrêtée. Je suis partie immédiatement. Mais ça, c'est d'une violence et d'une humiliation pour moi. Et ça, je ne l'avais jamais raconté. Voilà. Ça inhibe dans la séduction, justement, pour trouver un rôle. Oui. En fait, je me rends compte que depuis des années, très vite, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes. J'ai quand même travaillé avec plein d'hommes aussi, mais... Oui. Les gens sont tordus, quoi. C'est très problématique. Moi, je ne sais pas comment les... Je pense que chaque acteur doit dealer avec ce paradoxe-là, qui est, je fais un métier pour m'exprimer. Parce que je ne peux pas faire autrement, parce que j'ai un rapport à l'existence violent, sensible, parce que j'ai besoin que cette parole-là s'exprime comme ça, qui est quelque chose de très fort, de souvent douloureux et de nécessaire. Et la manière dont ça se concrétise, c'est désirer sans cesse être désiré. Donc ça, c'est absolument paradoxal. Donc je pense que ça rend... C'est un malheur, en fait, qui est... Qui est une dépendance qui fragilise, qui ouvre un vide, une attente. Mais c'est qu'en fait, on ne peut pas. Quand on est jeune acteur et qu'on lit Racine ou qu'on lit des auteurs contemporains ou qu'on, je sais pas quoi, ou qu'on regarde un film, en fait, on pleure, on rit, on est dans une humanité totale, on est dans un partage, on est dans des émotions qui sont très grandes, qui sont très. Qui sont pures. Et en fait, quand on doit pratiquer ça, on doit être dans le désir du désir de l'autre. Et donc ça nous ramène à la compétition, ça nous ramène à l'ego dans ce qu'il a de plus douloureux, c'est-à-dire pourquoi mon être est moins intéressant, ma manière de parler, de bouger, que celle de l'autre. Donc ça nous rapetisse. C'est ce paradoxe, c'est celui-là. C'est qu'on aspire à quelque chose de plus grand et on est, dans la pratique, ramené à des choses... petite et parfois extrêmement petite, voire mesquine, ouais. Voire carrément, on passe des entretiens d'embauche tout le temps quand on est acteur. Donc des castings, des auditions, ça dépend des gens. Mais finalement, voilà, c'est comment ne pas perdre la grandeur du départ dans quelque chose qui... Pas l'abîmer dans... Je pense qu'il y a quelque chose dans l'autorité, dans la hiérarchie qui me pose un problème... à la fois politique et personnelle, qui est que je pense que je ne peux pas le supporter, mais ça, l'autorité, et ça n'a rien à voir avec collaborer avec les gens. Moi, j'adore collaborer avec les gens sur leurs projets, etc. Mais en fait, c'est pas de cet ordre-là, souvent, ce qu'on vous propose comme relation. je suis vous tous qui m'écoutez, plus quelque chose que je ne sais, pas plus que vous, mais que je touche et qui me force à me livrer. Vais-tu? Oui, c'est, enfin, est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est la malchance, est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait, est-ce que c'était la rencontre obligée vu ma posture en tant qu'acteur, ma position. En tout cas, je suis tombé sur. J'ai fait des pièces à la suite avec Jacques Lassalle et Daniel Girard. C'était quand même des gens pas faciles. Enfin, hein, vraiment, on n'était pas vraiment dans la douceur. Hein. Humainement, ils parlaient comment? En tout cas, je sais pas comment ils parlaient aux acteurs, parce que c'est pas tellement ça. C'est comment moi je le recevais. Moi, j'étais pas à l'aise avec eux. En tout cas, il y avait une chose qui était vraiment. D'une domination, on me forçait, elle me foutait tout sa poil. Donc voilà, déjà, c'est quand même pas simple. Hein. J'ai passé un acte à poil sur un tracteur. Enfin bon, faut le faire quand même. Et c'est véritablement pas moi, enfin, pour le coup. Donc c'est comment on se retrouve dans cette position-là, comment on fait avec, et comment à la fin, ça émousse le désir. Il y a quelque chose, pour le coup, de cette relation de couple où si on est maltraité, si on est dans une posture où l'autre abuse, dans un sens symbolique, mais en tout cas abuse, le désir s'émousse, on n'a plus envie d'être là, à cet endroit-là. Et ça, je pense que moi, je suis passé par là, en tout cas. C'était pas érotique, ça te faisait pas grandir, il n'y a pas un côté Pygmalion, il n'y a pas une élévation. Non, ça me terrifiait juste. C'est là où c'est pas peut-être ma posture, c'est pas là où je devais être, c'est pas là où j'étais bien. C'est que ça m'effrayait, mais que je devais sans doute appeler, hein. Enfin, c'est ça aussi, c'est que cette rencontre, qui a aussi en psy ou en coaching tout ce qu'on veut, c'est que pourquoi est-ce qu'un coaché, pourquoi est-ce que quelqu'un qui a besoin d'être accompagné va nous choisir, c'est qu'on a affaire l'un avec l'autre, à un moment, et que c'est là où on peut aider justement. Hein. C'est une rencontre un peu secrète. Mais oui, c'est vraiment. Voilà, après on se prête au jeu, hein. Enfin, un acteur, il se prête au jeu. Mais à quel jeu? Et quel jeu le satisfait ou pas? Quel bénéfice on en a? Et à un moment, c'est pour ça que moi, je me suis retiré du jeu, justement. Je jouais plus. Pour avoir cette autre position, mais qui a été beaucoup plus confortable de metteur en scène, ça me permettait d'être à cette place-là. De démonter des mécanismes et de comprendre. Acteur, c'est là où ça posait beaucoup de problèmes, c'est que j'avais jamais le corps qui convenait. Que je voulais. J'avais jamais, je disais, mais ça serait bien si j'étais quelqu'un d'autre. Donc moi, je pouvais jamais me plier, finalement, être une espèce de pâte à modeler pour modeler au rôle et devenir ce qu'on appelle le personnage. Il y avait toujours un manque, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. J'avais toujours besoin, dans d'autres, à un moment, naturellement, j'ai pris d'autres corps, d'autres voix que je choisissais et qui convenaient à l'histoire que je voulais raconter ou à l'histoire que racontait l'auteur. Être acteur, c'est un chemin. Enfin, moi, je pense, hein, pour moi, en tout cas. Je peux parler que pour moi, mais en tout cas, d'une maturité, peut-être même d'une sagesse. Donc, je suis pas attaché au fait d'être acteur, je pense que ça veut dire. Mais ça a été un chemin pour moi. Encore une fois, ça a été une manière de m'incarner. Par une relation qui était un peu difficile avec le metteur en scène, où à un moment, j'ai tué le père, j'ai pris sa place. Tout en n'étant pas du tout, à mon sens, dans ces relations sadomaso avec les acteurs, c'était beaucoup plus apaisé, beaucoup plus ma place. Et après, pour venir aussi l'éducation du théâtre, dans la pédagogie, à un véritable accompagnement. Et ce que je fais, là, dans mon métier, encore plus. Mais bon, c'est pas un métier simple. Et pour ma part, le monde de l'entreprise est un monde plus doux. Christophe, tu es coach... Coach de vie, en fait, tu es coach avec des personnes en individuel et tu es aussi coach en entreprise avec un public de cadres, de cadres supérieurs. Enfin, le cadre supérieur, il est aussi acteur quand il est, par exemple, dans une convention d'entreprise et qu'il parle devant 1000 personnes. Donc toi, tu enseignes, tu apprends ça. Est-ce que tu peux nous détailler ton travail avec les entreprises? Oh, il y a plein de choses. Il peut y avoir ça, oui, c'est-à-dire que sur les prises de parole en public. et public, c'est-à-dire aussi dans des réunions avec des comex, des codir, tous ces mots un peu compliqués. Hein. Oui, on s'aperçoit, je m'aperçois en tout cas qu'il y a presque les mêmes problèmes. C'est prendre la parole, c'est pas simplement structurer son discours. C'est, il y a beaucoup d'autorisation, de légitimité avec des parfois de grands patrons, c'est très difficile de prendre la parole. Parfois, ce que je dis quand j'accompagne les gens en prise de parole, on me dit où est-ce qu'on place la voix, tout ça. Il y avait un orthophoniste qui disait vous la placez dans l'oreille de l'autre. C'est pas une question de puissance, c'est comme Jeanne Moreau, c'est que tout d'un coup, schlock, il y a aucun effort à faire. Ça te tape dans les neurones à un point magique. Et quand on n'est pas dans cet endroit-là, quand on est acteur, c'est très difficile à vivre aussi. Il y a ça, ces sentiments de savoir à quel endroit on est. Et est-ce que c'est l'endroit dont on a rêvé quand on était plus jeune, quand on voulait faire ce métier? Et c'est ça, cette douleur aussi. C'est quand on n'est pas cet endroit de rencontre. En tout cas, moi, j'ai préféré le quitter, étant pas l'acteur de mes rêves de moi à moi, plutôt que d'être un acteur qui allait subir, enfin, voilà. Qui allait courir derrière le désir des autres. On entend beaucoup des acteurs donc parler de collectif, l'envie d'être autonome, d'être acteur-auteur, acteur-metteur en scène, comme si l'acteur voulait quand même essayer d'échapper à sa condition d'objet pour pouvoir être plus autonome. Enfin, il y a tout un discours comme ça. Et en même temps, j'entends aussi que rien n'a changé, que l'acteur va toujours crever la dalle, être soumis au désir de l'autre, attendre, vieillir, être face à son image, à des emplois, à son catalogage. Et les acteurs qui courent après l'agent alors qu'ils n'ont rien fait, enfin on sort de l'école, il y a peu de chances qu'ils aient une solution par ce biais-là. Non, c'est un métier de rencontre, de chance, de réseau, de chercher, de savoir qui on est et où on veut aller, hein, et avec qui on veut travailler. Et d'avoir cette obstination-là, c'est vraiment une force de désir, enfin c'est que du désir, l'état pur attracteur. Ouais, être metteur en scène, c'est la même chose. C'est un condensé de désir. C'est la puissance, la résistance de ce désir qui fait qu'on continue ou pas. Comme quoi, le désir peut changer. Absolument. Mais encore, oui, c'est la vocation peut comme ça se dissiper. Bien sûr. On peut changer de partenaire en couple, dans une vie. On change aussi d'orientation, de métier, d'envie, de vocation, pour le coup. Hein. Être un peu moins sur soi. L'acteur est très centré quand même sur soi. Au bout d'un moment, on peut aller vers l'autre. Avoir une vision plus large, plus globale, plus enveloppante, qui fait qu'on se trouve ailleurs. Mais le désir, il est le même. L'acteur est très centré sur lui. Oh bah oui, enfin, il est obligé, oui. Oui. Enfin, oui. C'est son outil de travail. Il se montre et se monstre, enfin. Il y a une forme de monstruosité aussi à bouffer du plateau, à exister, à être hyper visible. L'acteur, c'est être dans une hypervisibilité, c'est prendre la lumière, c'est prendre les regards, c'est du vampirisme à l'état pur. Il faut être construit comme ça. C'est-à-dire que ça implique une ouverture énorme et puis une attirance comme un aimant énorme. Et c'est la force du désir qui fait que ça attire l'autre. Et c'est vrai qu'on est quand même, comme on travaille avec nous-mêmes, on est quand même très sensible, très vulnérable, très offert aux autres et en même temps. Il faut réussir à se protéger, à pas... Voilà. Peut-être que maintenant, je sais mieux faire ça. Hein. Et on apprend, quoi. C'est ça qui est bien, aussi. C'est que... En tout cas, moi, aujourd'hui, alors que certains pourraient dire « Ah, mais à 40 ans, il faut arrêter ce métier, là, c'est bon, c'est fini », j'ai l'impression que ma vie commence, en fait, que tout commence. Parce qu'il faut être fort aussi pour... OK, les échecs, il faut savoir les encaisser et tout, mais le succès aussi, il faut savoir le gérer, quoi. Comédien, le plus beau métier du monde. Une série documentaire de Julien Thève et Angélique Thibault. Aujourd'hui, quand jouer ne va plus de soi. Avec Michel Esco, Margaret Zonou, Tessa Volkin, Marina Thomé, Judith Davis, Salima Boutebal, Magali Claustre, Christophe Lemaître. Mixage, Manuel Couturier. Merci à Sigrid Alnois, Stéphanie Girard, Patrick Hardis et Leïla Ferro-Lévy. Acteur, actrice, espoir, comédienne, cabot ou tragédienne, LSD, la série documentaire, s'est terminée pour cette semaine. Et pour Mourir sur scène, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour Avignon ou nous réécouter à Hollywood, et bien tout ça, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram pour voir la radio du dedans. Mais demain, à la même heure, vous retrouvez le magazine de la rédaction. Mais dans un instant, on retrouve le journal de 18h.